J'ai un problème. Je ne sais pas quelle partie de mon corps est la plus importante. Une partie de mon corps que j'aime, c'est mon nez. Oui, je crois que c'est vraiment ma partie préférée. Je peux sentir avec mon nez, il m'aide à respirer. Quand il est bouché, ça fait du bien de le souffler. Quand on me le chatouille, c'est amusant d'éternuer. Oui, j'aime bien mon nez. Comment choisir, comment maman? C'est quoi le plus important? Je ne peux pas décider, qu'est-ce que je choisirai? Oui, le nez est très important, mais les yeux aussi. Des outils indispensables, c'est des yeux. Ah oui, les yeux, ils sont vraiment merveilleux. Ils sont de toutes les couleurs, brun ou bleu ou gris ou vert. On en a besoin pour voir de proche ou bien de loin. Quand je veux exagérer, je n'ai qu'à les rouler. Oui, j'aime bien mes yeux. Comment choisir, comment maman? C'est quoi le plus important? Je ne peux pas décider, qu'est-ce que je choisirai? Oui, les yeux sont très importants, mais il y a les oreilles aussi. Je ne pourrais pas vivre sans mes oreilles. Elles font un travail sans pareil. Elles sont pointues ou décollées, grandes, petites ou étirées. Elles sont une nécessité pour entendre et écouter. Elles sont là pour empêcher mes lunettes de tomber. Oui, j'aime mes oreilles. Comment choisir, comment maman? C'est quoi le plus important? Je ne peux pas. Les oreilles sont très utiles, mais il y a aussi les genoux. Les genoux, c'est facile de les oublier. Je ne pense jamais à les remercier. Ils sont au milieu de mes jambes et ils sont toujours ensemble. Les animaux ont des genoux, les chats, les chiens, les kangourous. Si je ne les avais pas, je marcherais comme Frankenstein. Oui, j'aime mes genoux. Comment choisir, comment maman? C'est quoi le plus important? Je ne peux pas décider, qu'est-ce que je choisirai? Non, je n'aimerais vraiment pas marcher comme Frankenstein. Ah, mais il y a les fesses aussi. Une partie que j'estime, c'est les fesses. Elles travaillent bien sans cesse. Elles me suivent de près, elles ne se chicanent jamais. Quand je veux m'asseoir, elles sont utiles, il faut me croire. Si elles n'étaient pas là, mes culottes tomberaient jusqu'en bas. Oui, j'aime bien mes fesses. Comment choisir, comment maman? C'est quoi le plus important? Je ne peux pas décider, qu'est-ce que je choisirai? Comment choisir, comment maman? Les oreilles, les genoux.